Togo, d'où Iman. Bonjour à vous tous et merci d'être avec nous dans ce journal dont voici quelques titres. Le ministre de l'Intérieur demande aux administrateurs communaux de ne conditionner, de ne pas poser de conditions à l'octroi des documents exigés pour se faire élire. Et vous l'entendrez dans ce journal. Plus de 460 personnes mortes, 12 000 maisons détruites, près de 16 000 familles déplacées. C'est le bilan des catastrophes naturelles qui se sont abattues sur le Burundi depuis octobre 2019. Un bilan dressé par la plateforme nationale de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. On fera le point dans cette édition. Les conséquences de l'épidémie coronavirus présente en Chine depuis plus de mois ne se sont pas encore manifestées au Burundi à travers les échanges avec ce pays. Mais à l'OBR, on dit que 13% des importations proviennent de la Chine. Voilà pour quelques titres. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Le ministère de l'Intérieur et de la Formation patriotique appelle les administrateurs communaux à faciliter la tâche aux membres des partis politiques qui les saisissent pour avoir des documents exigés pour se faire élire pour les élections prochaines. Lors d'une conférence de presse ce mardi, le ministre Pascal Barandagué a recommandé qu'aucune condition ne soit posée aux demandeurs de ces documents. On l'écoute. Une lettre vient d'être adressée à l'administration, en commençant par le gouverneur, pour inviter l'administration à être présente. Et ceci dans le but que chaque candidat puisse avoir les documents requis en temps utile. En ce qui concerne ces documents, on pourrait vous parler de l'essentiel en ce qui concerne ces documents, en commençant par les documents notamment qui sont demandés au niveau de l'administration, au niveau communal. On pourrait citer un extrait de l'acte de naissance ou toute autre pièce en tenant lieu. C'est un document que l'on trouve pour tous les candidats, que ce soit pour les candidats aux présidentielles, que ce soit pour les candidats députés. L'acte de naissance coûte 1000 francs et sans plus. Je cite les plus importants et qui sont recherchés au niveau administratif. Une attestation de résidence et l'attestation de résidence coûte 500 francs. On citerait aussi l'extrait du casier judiciaire qui coûte 1000 francs, mais aussi l'attestation de bonne conduite VMRS qui coûte 1000 francs et un extrait de mariage pour l'épouse du natif qui coûte 1000 francs. Alors, pour les autres documents, les partis politiques en ont reçu de la CENI. Ils les connaissent en exhaustivité. Mais ici, je tiens à préciser les documents qui sont cherchés au niveau de l'administration. Et à quel but? Nous voulons que ces documents soient délivrés sans autre condition. Parce qu'on a entendu à gauche, à droite, certains administratifs qui, avant de les délivrer, demandent aux requérants s'ils ont contribué aux élections. Ce n'est pas une condition pour donner ces documents, étant entendu que la contribution aux élections était volontaire. D'autres demandent des contributions pour la construction des stades. Ce n'est pas non plus une condition. Donc, ces documents doivent être délivrés sans condition. Je le dis et je le répète, il faut que l'administration respecte les coûts, mais aussi il faut qu'il délivre sans condition. Mais en plus, il faut que l'administration se disponibilise pour les candidats. Et là où on va vraiment entendre qu'il y a ceux qui contreviennent à ces instructions, on ne va pas hésiter à sévir contre ces administratifs. Le ministre de l'Intérieur, Pascal Barandagué. 461 personnes mortes, 12 000 maisons détruites, près de 16 000 familles déplacées. Tel est le bilan des catastrophes naturelles depuis octobre 2019. Un bilan dressé par la plateforme nationale de prévention et de gestion des catastrophes naturelles. Anissé Nibaruta, directeur général adjoint de la protection civile, l'a déclaré lors de la présentation d'une note de prévision de la pluviométrie des trois mois à venir. La note a été faite par l'Institut géographique du Burundi, Idjebu, dans le but de faciliter la prévention précoce. Reportage fidèle d'Antoine Sabiman. Dans ce bilan présenté par le PC1 Anissé Nibaruta, directeur général adjoint chargé de la protection civile au Burundi, depuis le mois d'octobre 2019 jusqu'à mars 2020, le bilan des dégâts liés aux inondations dans tout le territoire national est de 460 morts, 12 000 maisons détruites et près de 16 000 personnes déplacées. L'Institut pour la géographie du Burundi, Idjebu en sigle, prévient que le mois de mars, avril et une partie de mai seront caractérisés par de fortes pluies. Différentes départements de plusieurs ministères tels que l'agriculture, l'élevage et l'environnement, les secteurs de la santé publique, sans oublier les parlementaires, ont posé la question de savoir ce que la plateforme nationale préconise pour faire face à cette forte pluviosité prévue dans ces 3 mois à venir. Au PC1, Nibaruta Anissé incite le Burundi à se familiariser avec des pratiques de sauvetage qui sont simples. Ici, il rappelle aux gens de se munir des cordes pour sauver des gens en noyade, savoir utiliser les bâtons afin de mesurer la profondeur de l'eau pour éviter d'être emporté par des cours d'eau, ainsi que d'autres pratiques nécessaires en cas d'inondation. Sur la question de savoir où la plateforme en est pour secourir les victimes des inondations récentes, Anissé Nibaruta fait savoir qu'il a été aménagé à Winerekwa, un site qui abrite plus de 600 ménages sinistrés victimes des inondations. Il ajoute également que d'autres sites seront bientôt ciblés pour accueillir des sinistrés en cas de probables inondations. C'était un reportage de Fidèle Sawiman. Les conséquences de l'épidémie coronavirus présente en Chine depuis plus de mois ne se sont pas encore manifestées au Burundi à travers les échanges avec ce pays. Selon le président de l'Association des commerçants du Burundi, Akobu, il y a une urgence à éradiquer ce virus qui fait déjà plus de 1000 morts afin que le monde en général et l'activité économique au Burundi en particulier n'en souffrent pas. Antoine Muzaneza le dit au moment où un rapport provisoire de l'Office burundais des recettes OBR, second trimestre de 2019, montre que 13% des importations proviennent de la Chine. Suivez. Aujourd'hui, le Burundi importe pas mal de choses en provenance de la Chine, notamment les matériaux de construction, les matériaux de ménage. Il y a aussi les usines, il y a de la matière première qu'on importe à partir de la Chine. Tout cela, ça nous affecte. Ça affecte aussi l'économie du Burundi, même si on ne le voit pas tout de suite, parce que ça fait bientôt un mois qu'on a entendu ce virus. Alors, je voulais juste demander à tous les commerçants, surtout et tous les importateurs qui importent les produits à partir de la Chine, vraiment de patienter un peu, parce que le gouvernement chinois est en train de combattre énergiquement cette épidémie. Non seulement je pourrais dire que c'est le problème international, mais le problème pour les importateurs du Burundi, je pense qu'on n'a pas encore vu les conséquences tout de suite, mais je pense que dans les jours à venir, ça va nous coûter cher. Pour importer, des fois, vous y allez directement ou vous passez des commandes. Est-ce qu'il y avait des commandes en cours? Il y a des commandes qui sont en cours. Il y a aussi des commerçants qui sont allés là-bas. Alors, nous avons un problème parce qu'il n'y a pas de vol qui quitte Bujumbura vers la Chine. Il y a des commandes qu'on fait à partir des banques, les transferts bancaires. Il y a aussi des commerçants qui se rendent là en Chine. Très récemment, lors d'un point de presse, l'ambassadeur de Chine au Burundi a demandé aux hommes d'affaires et étudiants burundais souhaitant se rendre en Chine de reporter leur déplacement vers ce pays. L'hygiène dans les restaurants se trouvant derrière le marché d'Ichet Sillon s'est améliorée suite à la sensibilisation et aux recommandations des chargés d'hygiène en mairie de Bujumbura. Les responsables de ces petits restaurants disent qu'ils se sont appliqués à respecter ces consignes d'hygiène, bien qu'il subsiste certains vendeurs de fruits, comme des avocats, qui jettent les restes aux alentours de ces restaurants. Jean-Marie Himayonga a fait le constat suivant. Arrivé dans ces places où se trouvaient des restaurants, derrière le marché City Market communément appelé chez Sion, le constat est que l'hygiène a été améliorée. Après plusieurs jours, on parlait de l'insuffisance d'hygiène dans ces places. Ceux qui exercent leur métier à ce marché, qui n'ont pas voulu s'exprimer sur nos micros, disent que suite aux sensibilisations et recommandations des chargés de l'hygiène à mairie de Bujumbura, ils ont tout fait pour respecter les conseils afin de multiplier l'hygiène dans leur restaurant. Le constat est que, avant de demander de quoi manger, on donne de l'eau et du savon à leurs clients avant de commander ce qu'ils vont manger. Au marché de Kotebu, dans cet endroit où il y avait ces restaurants, le constat est que ceux qui avaient des restaurants sur le marché Kotebu, aujourd'hui, ils ne fonctionnent pas suite au non-respect des conseils donnés par les chargés de l'hygiène à mairie de Bujumbura. Au marché de Sion, même si la situation s'est améliorée en hygiène, les responsables de ces restaurants demandent à certains commerçants de fruits, notamment ceux qui vendent des avocats, qui jettent les restes de ces fruits aux alentours de ces restaurants et souhaitent qu'eux aussi puissent bénéficier des conseils et de sensibilisation en vue de respect l'hygiène là où ils passent en vendant les fruits. Jean-Marie Mayong, l'Assemblée nationale est en train d'analyser le projet de loi portant à réglementation du médicament et l'exercice de la pharmacie. Le ministre de la Santé publique qui présente ce texte devant les élus du peuple dit que ce projet de loi montre le circuit de vente du médicament depuis son importation jusqu'à la population à la base. Docteur Tadeni Koumana précise qu'il s'est avéré que l'intérêt sur les médicaments au Burundi porte à 15% alors qu'ils sont exonérés. Écoutez-le dans cette traduction de Elie Nibel Nibigira. Ce projet de loi apporte des précisions sur les médicaments. Il y a beaucoup de questionnements fréquents de la part de la population et vous, représentants du peuple, vous demandant comment se porte la situation du secteur des médicaments. Le code de 1980 s'avère lacunaire. La solution se trouve dans ce projet de loi ici présenté. Il montre le circuit de vente des médicaments depuis l'importation jusque dans les stocks au Burundi, dans les pharmacies de gros, puis dans les petites pharmacies. Et ils sont pris par les malades suivant l'ordonnance médicale. Et puis, on analyse les effets de ces médicaments jusqu'à ce que le malade guérisse. Et on analyse aussi comment sont détruits les médicaments périmés. Ce texte apporte donc des réponses aux interrogations de la population et les défis que connaissait le ministère pour travailler convenablement. Il y a aussi la réglementation de la commercialisation du lait pour enfants, ainsi que la réglementation des médicaments des tradis praticiens, ça c'est nouveau. À cela s'ajoute le fait que, dans l'ancienne loi, les médicaments étaient importés puis vendus avec l'intérêt de 15% alors qu'ils sont exonérés à l'OBR. Le ministre de la Santé, Dr Tadeni Koumana, traduit par Elie Nibel Nibigira. Et certains habitants de la capitale Bujumbura évoquent un manque criant des abris sur certains arrêts bus. Ils indiquent que lorsqu'il pleut, ils font recours à des maisons des environs. Et ces habitants réclament la multiplication de ces abris. Les détails avec Adrien Dimurukund. Dans certains endroits, là où nous sommes passés, notamment sur le boulevard Mwezi Gisabo, précisément sur la gare du Nord, juste à l'arrêt bus, on y rencontre déjà qui attendent le bus. Ils disent que la situation est difficile puisqu'ils ne trouvent pas l'abri quand la pluie tombe ou au moment du soleil. La même situation s'observe à l'arrêt bus du terminus se trouvant dans la zone Kameng. Les passagers indiquent qu'il n'est pas facile pour eux. Ce Russie est l'un d'eux. Dans cette route communément appelée Prépare Mwezi Gisabo, comme dans d'autres routes de la ville de Bujumbura, des fois le soleil est à Kabra ou la pluie tombe violemment. Alors les voyageurs souffrent de cette soleil ou bien la pluie qui tombe des fois si le soleil n'est pas à Kabra. Le gouvernement ou bien d'autres organisations travaillant dans le domaine de la communauté pouvaient construire des guérites servant à abriter les voyageurs attendant les bus au moment de leur attente. Cela peut les faciliter pendant le moment où ils attendent les bus. Même les transporteurs disent que quand la pluie tombe, les clients se dispersent. Cette population demande la construction de ces abris dans différents arrêts bus de la ville de Bujumbura. Nous demandons au gouvernement qu'il construise des guérites ici à chaque 50 mètres. Dans les rideaux de toute la capitale. Cette situation prévaut au moment où ces abris existent bel et bien sur le boulevard du peuple Murundi, communément appelé Pagdas, et à l'endroit du permanence. De même, ces abris existent sur le boulevard Mwezi Gisabo, à côté de l'hôpital militaire de Kameng. Et en bref, en actualité nationale et internationale, avant de boucler ce journal avec la rubrique « Parle et rassure-moi », là nous allons parler des proverbes qui peuvent inciter à la violence. En certain, Albé Nyandoui de la colline Myugariro, en commune Muruta de la province Kayanza, a été tué, décapité par des personnes non encore connues. Son corps a été retrouvé ce matin vers 5 heures à son domicile. Les membres de sa famille indiquent que cet homme de 47 ans vivait en harmonie avec son entourage et disent donc ne pas être au courant ni des auteurs ni des motifs de ce forfait. La police dit avoir déjà entamé des enquêtes. Et un atelier de renforcement des capacités a été organisé ce mardi à l'intention des nouveaux enseignants dernièrement recrutés dans la province scolaire de Kayanza. Désiré Hatungimana, directeur provincial de l'éducation à Kayanza, indique que l'objectif est de permettre à ses enseignants d'avoir une même vision sur les pratiques pédagogiques, notamment la nouvelle méthode d'enseignement appelée pédagogie d'intégration, étant donné que certains venaient de passer des années au chômage et que d'autres n'ont pas suivi les écoles normales au cours de leur cursus. Désiré Atungimana leur recommande de toujours demander des conseils auprès de leurs collègues anciens dans le métier, chaque fois que de besoin. Et en actualité internationale, les criquets pèlerins qui font des ravages dans la Corne de l'Afrique ont atteint dimanche l'Ouganda et la Tanzanie. Leur déplacement dans la région était attendu et le gouvernement de Kampala a pris des mesures d'urgence pour faire face à leur arrivée. Mais les prévisions de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture indiquent que la situation pourrait s'aggraver. Deux hélicoptères de l'armée ougandaise ont été dépêchés vers la frontière Kenya ce lundi pour amener des équipements d'urgence. Le ministère de l'Agriculture dit avoir mis à disposition 36 000 litres de pesticides à pulvériser sur les zones envahies et 2 000 soldats ont été mobilisés selon le porte-parole de l'armée. Il s'agit là des premières mesures décidées par Kampala dimanche après le signalement de plusieurs essaims dans la région de Karamoja au nord-est. Plus au sud en Tanzanie, des essaims ont également été signalés dans des villages près du mont Kilimanjaro. D'autres pourraient atteindre bientôt le Soudan du Sud et le Burundi, selon nos confrères de Radio France Internationale. Et en Égypte, la population a atteint 100 millions d'habitants avec un nouveau-né. Toutes les 18 secondes environ, le Premier ministre Mostafa Madbouly a déclaré la semaine dernière que la surpopulation était le plus grand défi auquel l'Égypte était confrontée. Le président Abdel Fattah al-Sissi l'a décrite comme étant à la hauteur de la menace terroriste. Récemment, les autorités ont mis en place des mesures pour essayer d'encourager les gens à avoir des familles moins nombreuses. La population est montée en flèche au cours des trois dernières décennies. Elle était de 57 millions en 1790. Et au Soudan, un accord entre le gouvernement et rebelles sur le sort des inculpés de la Cour pénale internationale. L'ancien président soudanais Omar el-Béchir pourra à l'avenir être transféré à la Cour pénale internationale. C'est du moins l'annonce faite ce mardi par un négociateur du gouvernement de Khartoum au terme d'une nouvelle séance de pourparlers avec les mouvements rebelles. Une annonce qui ne signifie toutefois pas que ce transfert pourra avoir lieu rapidement. Place maintenant à la rubrique « Parle, rassure-moi ». Parle, rassure-moi. Les proverbes incitant à la violence visent à donner raison dans la conscience de ceux qui les utilisent. D'après Asher Nionizigiye, représentant légal de l'association Green Card qui s'occupe de la promotion de leadership, ce genre de proverbe incite à la méfiance et à la vengeance. Il conseille aux gens, surtout en cette période préélectorale, d'éviter ce genre de discours qui blesse et incite aux violences de masse. Ornella Mucho. Toi, tu gardes ta semence, je garde mes souris, est l'un des proverbes utilisés au Burundi dans le sens d'inciter à la méfiance et à la vengeance. Asher Nionizigiye, représentant légal de l'association chargée du leadership, précise que ces proverbes sont utilisés dans l'objectif de se donner raison en s'appuyant sur les proverbes des sages. Si je peux donner deux exemples, toi, tu gardes ta semence, moi, je vais garder mes souris. Et en vérité, ça veut dire, puisque tu m'as fait du mal, tu vas cultiver, tu vas avoir tes champs, mais moi je vais les détruire en utilisant mes souris. Les champs, dans le Burundi traditionnel, c'est le symbole de la richesse. C'est-à-dire, j'attaque tes biens, je détruis tes biens, à défaut de pouvoir détruire ta vie. Il y a un autre proverbe, quand on dit « celui qui danse avec son rival ne sommeille pas, on ne ferme pas l'œil avec son rival ». Ici, il y a une semence de la méfiance. C'est beaucoup plus un sentiment d'égoïsme, le fait de vouloir atteindre son objectif coûte que coûte. Selon toujours lui, les auteurs de ce proverbe ont également l'objectif de prévenir les opposants en se référant sur l'histoire du passé et ces derniers comprennent qu'il est temps de se défendre, ce qui incite aux violences de masse. Mais en utilisant ce proverbe-là pour dire qu'on a le droit de faire du mal à notre rival afin que nous puissions gagner, ça peut effectivement encourager la violence. Parce qu'en faisant, en commettant des actes de violence contre votre adversaire, vous l'éliminez de la compétition avant même la fin des élections et donc vous avez plus de chances de gagner. Et en vérité, lorsqu'on gagne avec ce genre de pratique, en tant qu'individu, mais la nation perd parce que ces gens-là à qui on a fait du mal pour pouvoir gagner les élections, ce sont aussi des fils et des filles du pays qui avaient aussi besoin de contribuer au développement du pays. Et parfois, on peut perdre leur vie, ils peuvent peut-être fuir le pays par exemple. Et le pays perd, même si toi tu gagnes. Il conseille les gens, surtout les politiciens, d'éviter ce genre de proverbes, surtout dans cette période préélectorale. Ce genre de propos, ce sont des infractions qui devraient être punies parce que c'est inscrit dans le code pénal et dans le code électoral. Il faut qu'ils utilisent un langage apaisant, de telle sorte que même les rivaux politiques puissent se sentir en sécurité. Et même s'ils perdent les élections, il faut qu'ils sentent qu'ils seront, ils n'auront pas de problème dans ce pays. Guérir ou se venger sont deux voies de sortie pour les gens qui ont vécu des moments douloureux dans le passé. L'espère Acher Nunziguié rappelle que c'est la raison pour laquelle les gens devraient éviter l'utilisation de ces proverbes dans l'intérêt de ne pas choquer ces victimes des moments de crise. Merci, on est là, mucho. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toutes les équipes de la rédaction et celles de la technique m'ont aidé à le réaliser. Ce journal a été mis en onde par Eli Kadogo. Au micro, Jean Bosco de Wimana. Passez un très bon après-midi.